Chapitre 2e, Monsieur et Madame Cormoran. Le Cormoran, quittant l'hôtel de Carmela, se dirigea vers le pont de la Concorde, descendit sur la berge et gagna la station des bateaux-mouches. À peine était-il sur le ponton qu'un bateau, venant de Saint-Cloud, stoppa pour prendre des voyageurs. L'ambassadeur de Madame de Salnoco entra dans la cabine après avoir payé sa place et, malgré l'avis affiché, il tira de sa poche un affreux brûle-gueule. Il se mit tranquillement à fumer, au grand scandale de ses voisins des deux sexes. Il laissa successivement descendre tous les passagers aux différentes stations et ne se leva que lorsque le bateau fut arrivé au terme extrême de sa ligne. Il sauta alors à terre, suivit le quai, puis la berge de la Seine, et après 10 minutes de marche, il arriva dans un endroit à peu près désert. Quelques maisonnettes en torchis se montraient çà et là comme les sentinelles avancées de la grande ville. Le Cormoran prit un sentier à travers des trèfles et ne tarda pas à atteindre une construction bizarre fabriquée avec toutes sortes de matériaux, de vieilles planches, des plaques de fer blanc rouillées, des cartons bitumés et des morceaux de zinc composaient les murs et le toit. Sur le devant de la maison, deux mioches en guenilles et aux cheveux ébouriffés, l'un d'environ 7 ans, l'autre de 3 ou 4, se roulaient dans la poussière. Sur le seuil, une femme allaitait un enfant de quelques mois. Cette femme formait avec le Cormoran le contraste le plus étrange. Autant lui était long et maigre, autant elle était courte et corpulente. C'était une boule vivante. L'amour qui naît des opposés avait présidé à l'union de ces deux êtres si complètement dissemblables. Sémiramis, c'était le nom de cette pelote de chair, adorait son mari et celui-ci la payait d'un tendre retour. Chez lui, le Cormoran avait des mœurs patriarcales. Aussitôt que les deux mioches l'aperçurent, ils s'élancèrent au-devant de lui et le couvrirent de caresses. Sémiramis se roula plutôt qu'elle n'alla vers lui, et lorsqu'elle le rejoint, elle lui tendit son front. Ce ne fut que par un prodige de gymnastique que son époux parvint à donner le baiser demandé. Quand ces manifestations affectueuses furent terminées, Sémiramis fit un signe à son mari. « Viens, nous avons à causer. » Et passant la première, elle entra dans la maison qui était remplie de friperies, de ferrailles et de vieilles vaisselles plus ou moins écornées. Le docile Cormoran la suivit. Les deux mioches avaient été consignés à la porte. Seul le nourrisson devait assister à l'entretien des grands-parents. « Tu allais chez cette dame ?» demanda Sémiramis. « Oui. De quoi retourne-t-il » Le Cormoran tira son billet de banque de la poche de sa redingote. « Voilà le paiement du premier mois. Qu'exige-t-on de toi en échange ?» dit sa femme après avoir pris le billet. « Peu de choses. » Et il raconta l'entrevue qu'il avait eue avec Carmela. « Je ne suis pas de ton avis, mon homme. » reprit Sémiramis après un instant de réflexion. « Je crois que Madame de Salnoco monte quelques gros coups au personnage qu'elle t'envoie espionner. Qui peut te faire soupçonner cela ? Monsieur Méliné s'en mêle-t-il ? Oui, puisque c'est lui qui m'a dit de me présenter chez cette dame et de l'informer en même temps qu'elle de tout ce que je verrai et de tout ce que j'apprendrai sur les maîtres du château. Tu vois donc bien que j'ai raison. C'est une affaire de conséquence qu'on organise en catimini. Alors tant mieux, notre société aura de plus beaux dividendes. Tu es mon pauvre homme naïf comme un enfant. Mais cette fois, faudra voir si la grande occasion que je guette depuis longtemps n'est pas venue. Toujours ton idée d'accaparer à nous deux une belle affaire et de filer ensuite. C'est ma toquade, mon homme, repartit Sémiramis, dont les petits yeux d'un bleu de faïence s'allumèrent. Merci, j'en ai assez de cette vie au jour le jour. Des biftecs aujourd'hui, pas de pain le lendemain. Il faut faire notre petite pelote d'un seul coup, puis disparaître et nous retirer dans un coin où nous mènerons l'existence de bourgeois bien rentés. Oui, et les compagnons de l'Arche qui me feront mon affaire. Tu le sais, toute trahison est punie de mort. Je sais, mais nous prendrons nos précautions et l'on ne pourra pas nous découvrir dans la retraite que nous aurons choisie. Je ferai comme tu voudras, répliqua le Cormoran d'un ton résigné. Mais après tout, comme dit le proverbe, qui ne risque rien n'a rien, à la grâce de Dieu. Quand dois-tu partir ? Ce soir, par le train de 8 heures. Mais comment feras-tu pour savoir tout ce qui se passe dans le château de ce vieux marquis ? Le diable m'emporte, si je m'en doute, j'y réfléchirai en route. Tout en observant pour le compte des autres, fais ton possible pour connaître le fameux des manigances de Mélinet. Je ne vois pas encore bien clair dans son jeu, mais j'en mettrai ma main au feu, il y a une grosse affaire sous roche. Sois tranquille, j'observerai. Et puis, tu m'informeras de tout, et je te dirai ce qu'il faudra faire. C'est convenu. Bien, mon homme, maintenant, embrasse-moi et bonne chance. » Sémiramis se dressa, autant que la chose était possible, sur la pointe des pieds, et le cormoran renouvela son exercice de gymnastique pour lui donner le baiser d'adieu. On voit que si, dans cette chasse aux millions de la duchesse de Clodion, la créole Carmela avait un dangereux antagoniste dans Maresco, celui-ci avait une concurrente non moins redoutable dans la personne de la grosse Sémiramis. La partie se trouvait engagée des deux côtés. Il restait à savoir qui la gagnerait.